رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، donc notre sujet est autour de l'intérêt, de l'usure. L'usure et ses effets néfastes sur la communauté. Donc riba fil lugha مصدر قولهم ربا يربو إذا زاد وهو مأخوذ من مادة را رب با وواو les trois lettres را با واو التي تدل على الزيادة والنماء والعلو فتقول فلان ربا أو ربا فلان أصابه ربو Donc l'usure dans la langue arabe signifie l'augmentation, le rajout, l'élèvement ou l'élévation. Lorsqu'on dit qu'une personne a été touchée par, comme ici on l'a vu dans la langue arabe, asabahu rabu, c'est-à-dire ulu fin nefs, donc il ressent en vérité une supériorité dans son nefs, dans son fort intérieur. وَرِبَا يَكُنْ فِي الْمَالِ وَالْمُعَامَلَةِ رِبَا فِي الْمَالِ وَالْمُعَامَلَةِ هُوَ زِيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ Lorsqu'on parle de l'usure par rapport aux biens et aux actes, donc mu'amala, c'est-à-dire les transactions, c'est une augmentation par rapport au pécule d'origine, à ce que l'on dépose, donc on départ de la transaction. وَبِيَعْتِبَرْ هَدِي زِيَادَ يَقُلُ اللَّهَ تَعَالَى وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَى لِيَرْبُوَ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَى لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللَّهِ سورة روم والآيات 39. Donc riba, vis-à-vis des biens et des transactions, Allah Azza wa Jal dit vis-à-vis de cela, donc ce que vous avez prêté à intérêt pour qu'il se multiplie aux dépens des biens des gens ne se multipliera pas auprès d'Allah. Wa nabbaha biqawlihi ta'ala yamhaqu Allahu riba wa yurbi as-sadaqat. Sourate Al-Baqara wal aya 276. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Allah anéantit l'intérêt et fait décupler les aumônes. Anna ziyadata al-ma'koula al-mu'abbara anha bil-baraka murtafa'a an al-riba wa lidhaka yakulu fi muqabilihi wa ma ataytum min zakatin turiduna wajah Allah fa'ulaika hum al-mud'ifun. Sourate Ar-Rum, l'ayat 39. Donc, l'augmentation ou le surplus qui est raisonnable, c'est-à-dire celui qui est doté de bénédiction, qui reçoit la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, donc est élevé. Donc, cette bénédiction est le contraire de l'intérêt que l'on parle. Et pourtant, Allah Azza wa Jal a utilisé le même mot, c'est-à-dire dans la langue arabe. Dans la langue arabe, on peut utiliser le mot dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc Allah dit, et ce que vous avez donné comme aumône, ne recherchant que la face d'Allah, ceux-là sont ceux qui décuplent leur mise. وَيَقُولُ الْمَمَ التَّبَرِي فِي تَفْسِيرِ الْآيَا الْأُولَى الْرِبَى مَا يُعْتَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يعطي الرجل رجلا العاطية يريد أن يعطى أكثر منها وما كونه إلا وأما كونه لا يربو عند الله فمعناه ما أعطيتم من شيء تريدون به مثابة الدنيا ومجازة الناس، فذاك هو الربا الذي لا يقبله الله ولا يزجي به. Donc l'imam al-Tabari, rahmatullah alayhi, dans son tafsir, dans le tafsir du verset qu'on a vu auparavant, donc l'intérêt est ce que l'on donne aux gens, c'est ce que les gens donc, donnent dans les uns aux autres. Un homme va donner à un homme donc, quelque chose, un don. Il recherche par ce don ou par cette transaction un surplus, une augmentation. Et le fait que cette augmentation n'augmente pas auprès d'Allah Azza wa Jal, cela veut dire que si la personne le fait pour un intérêt de la vie d'ici-bas, comme un prêt, مثلا, tu prêtes pour avoir plus, et que tu recherches donc aussi donc, un don de la part des gens, donc voici donc l'intérêt qui n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne ne sera pas récompensée par rapport à cela. وقال في التفسير الآية الثانية يمحق الله ربا معنى ينقص الله ربا فيذهبه. Lorsque Allah Azza wa Jal dit donc يمحق الله ربا, il veut dire donc ce verset donc le tafsir, et qu'Allah Azza wa Jal donc diminue donc cette usure et le fait disparaître Donc voici de façon générale dans la langue arabe. Riba fil istilah. Donc riba dans le lexique donc juridique. Qala raghib riba fi shar'a khussa bi ziyadati ala wajhin duni wajh. Wa hada fil mufradat. Donc raghib dit que riba dans la législation, donc ici on spécifie donc une augmentation, un gain, un rajout chez une partie sans l'autre. Hein, donc ici, donc, chez une partie, il y a deux personnes sans l'autre. C'est-à-dire qu'un va profiter et l'autre non. L'autre donc sera automatiquement donc démuni. Il va perdre. Et ça, c'est dans le mufradat. Et aussi, donc, Al-Jurjani dit riba shar'an huwa fadlun khalin an iwad shurita li ahadi al-aqidain. Donc c'est dans Ta'rifat al-Jurjani qui dit riba, donc c'est shar'an, c'est huwa fadlun khalin an iwad shurita li ahadi al-aqidain. Donc le riba chez al-Jurjani, donc dans son livre qui s'appelle Ta'rifat, donc le Ta'rifat, le fait de donner donc des définitions certains mots donc qui sont connus dans l'islam, donc riba shar'an, c'est un intérêt ou un rajout, un gain qui va venir sans compensation, qui va venir en vérité sans effort particulier. Il n'y a pas de iwad, il n'y a pas de, en vérité, de cause ou de retour qui est en vérité donc acceptable et qui a été donc bien sûr donc conditionné par l'un des deux personnes donc, qui ont contracté ce pacte. Hein. Donc il y a ici deux personnes. Il y a celui qui donne. Et celui qui donne, il émet une condition. Je donne 100, mais je veux 120 à la fin du mois. Mathalan, c'est un exemple. Donc lui, il a donné une condition. Donc il veut quoi? En vérité, donc, il y a un bienfait. Khali min al-iwad. Il n'a pas fait d'effort. Il reçoit donc cet argent sans effort. Donc ça, c'est de l'intérêt, tout simplement. Et il dit aussi, donc, tahawuni riba fi shara huwa ibaratun an aqdin fasid. وإن لم تكن فيه زيادة لأن بيع الدرهم بدرهم نسيئة ربا وإن لم تتحقق فيه الزيادة. Donc tahawuni dit riba, l'intérêt, donc dans la législation, donc c'est tout simplement donc un acte qui est faux, qui n'est pas valable, il est fasid, il est caduque ou il est nul, même s'il n'y a pas d'intérêt, même s'il n'y a pas d'intérêt. Car, par exemple, le fait de vendre un dirham pour un dirham, mais qu'il y a ici donc nasi'atan, il y a donc ici un temps écoulé entre le fait de le donner et le fait de recevoir, donc il y a un délai, même s'il est court, alors qu'il n'y a pas eu d'intérêt, il n'y a pas eu d'usure, ça c'est du riba. La transaction comme ça, elle est du riba. Argent par argent, c'est du riba. Tu me donnes un et je te donne un. Mathala. Tu me donnes un dirham, je te donne un dirham. Il faut que ce soit donc filhin. Il faut que ce soit au même moment. Il faut qu'il y ait le muqabada. Il faut que donc ce soit l'échange direct. Il ne faut pas qu'il y ait un certain temps. Parce que donc sinon on entre dans l'usure. On entre dans l'usure. Donc ici il dit bien que malgré qu'il n'y a pas eu de ziyada, malgré qu'il n'y a pas eu d'augmentation, il n'y a pas eu de gain, il n'y a pas eu de surplus, et pourtant on entre dans riba. Le fait que c'est nasiyatan, que l'ia en vérité, donc nasiya, donc en vérité, c'est le délai qui a été accordé donc, par rapport aux personnes, par rapport à l'acte qui se fait. Anwa' riba. Donc les types ou les catégories d'usure. Awalan riba fadl. Wa huwa al-bi' ma' ziyada li ahadi al-iwadain. Al-muttafaq al-jins ala al-akhar. Donc le fait de vendre, lorsqu'on dit le bi', donc c'est une transaction, toute transaction donc s'appelle aussi en arabe bi' ou bien shira. Donc ici c'est le fait de donc de d'émettre une transaction en faisant en sorte que l'une des deux parties donc gagne et un gain, alors que pourtant ici on voit que quoi, les deux parties en vérité vont user de la même chose, la même monnaie. Mathal, on va dire de l'or avec de l'or, de l'argent avec de l'argent, du riz avec du riz. Donc bien sûr il y a des usul, il y a des éléments de base qui font que riba entre dedans, comme l'or, l'argent, le riz et autres. Et si on voit qu'il y a ittifaq fil jins, donc c'est la même nature, c'est de l'argent avec de l'argent, c'est de l'or avec de l'or, c'est maintenant du riz avec du riz, des dates avec des dates. Mais tout simplement, tu donnes un, et la personne va te rendre maintenant deux. Un exemple, donc il y a bien un hadith qui est connu par rapport à celui qui a eu donc le double de dates, radi, hein, donc il était hachir, ces dates-là, donc il était radi, contre les dates qui étaient rotbes. Donc des dates qui étaient fraîches contre des dates qui étaient sèches. Donc maintenant, tu vas donner 1 kg de dates fraîches, et la personne va te donner 2 kg de dates sèches. Le kilo de dates frais, hein, donc c'est la date qui est neuve, qui est fraîche, elle est quoi? Elle vaut maintenant 10 euros. Celle qui est sèche vaut 5 euros, le kilo. Donc tu vas lui donner 1 kilo, il va te donner 2 kilos. A priori, c'est riba ou pas? On a l'impression que c'est pas riba. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit « Huwa a'inu riba ». Donc c'est « a'inu riba », c'est le riba donc à l'état pur. C'est réellement celui-ci le riba. « A'inu riba ». C'est vraiment dû donc de l'usure. Pourtant on n'a pas l'impression. Des deux côtés, ça vaut 10 euros. On n'a pas l'impression. Pourquoi? Parce que Shirin Antimir, rahmatullah, il dit par rapport à ça, il dit parce que il est interdit de gagner sans se fatiguer. Tout simplement. C'est quoi? C'est que si tu vas gagner, donc ton arbre, enfin, toi, ce qui est poussé, c'est ça. Donc ce qui est sorti, ce qui a été cueilli, c'est ça. Et l'autre, ce qui a été cueilli, c'est ça. Tout simplement. Même travail, mais simplement, c'est pas la même cueillette. Donc ils ne peuvent pas en vérité faire cet échange, en plus parce que ça fait partie des éléments de base dont les gens s'échangeaient. C'est les éléments de base. Pourtant on a l'impression que c'est permis. Si on utilisait donc le raisonnement, on ne voit pas ici de mal. Mais en réalité, il y a un mal. Donc ici comme Mithal aussi, parmi les exemples, donc Mithaluhu Kabei Sa'iburin. Bidouni Sa'iburin ou bi akthara. C'est comme si donc tu échangeais mathem un sa', donc une unité de mesure, hein, de bourre, que ce soit le bourre ou le sha'ir, donc que ce soit le blé ou bien que ce soit en vérité l'orge ou quoi, hein, contre plus ou moins. Donc tu vas échanger contre en vérité une unité qui sera ou inférieure ou bien supérieure. Donc c'est du riba. Ou dirham, fiddatin, biduna dirhami. Fiddatin ou bi akthar. La même chose pour le dirham, l'unité donc dirham, donc d'argent. Donc c'est un poids. Ici c'est un poids. Donc tu vas aller en vérité faire un échange contre un poids ou supérieur ou inférieur. Il sera ou supérieur ou inférieur. Donc on entre dans l'usure. Sawa'un ataqabada amla wa sawa'un ajalla. ou amla. C'est-à-dire que ce soit sur le moment, donc l'échange se fait sur le même moment, tu me donnes, je te donne au même moment, ou bien il y aurait ainsi un délai. Il y aurait mathan, je te donne ça aujourd'hui, puis demain tu vas me donner plus. Dans un mois tu vas me donner plus, mathan. Donc ça c'est riba fadl. On entend bien ici le mot fadl. Le fadl en vérité c'est ce qui est supérieur, c'est un rajout. C'est en vérité c'est ce qui est en plus. Deuxième type de riba, c'est riba al-yed. Riba al-yed. Ou al-bi'u ma ta'khir qabdihima ou qabd ahadihima inda tafarruki min al-majlis. Ou ta'khayuri, yani fihi bishurtin, ittihadihima illatan. Bi an yakun kullu minhuma ma'louman ou kullu minhuma naqdan wa nin ikhtalafa al-jins. Donc riba al-yed c'est quoi? C'est le fait de vendre avec, donc ici il y a un délai entre le qabd, le fait de prendre cet objet, le fait de donner, hein, et d'échanger cette chose, ce qui sera échangé. Même si le ferait, même s'il y aurait le qabd, au moment où ils vont se disperser, c'est-à-dire à la fin, avant de se quitter une fois qu'ils ont terminé leur transaction. À partir du moment que quoi, ici il y a quoi? Il y a une illa, il y a une condition, il y a une illa. Il y a une condition, on va voir ce que c'est après. Donc, alors que les gens savent, donc bien sûr, combien ils ont décidé quelque chose, donc je te donne 100, tu me rends 120, mathalan. Même si, mathalan ici, donc même si, par exemple ici, il y aurait donc l'origine qui serait donc changée, dans le sens où les origines des échanges sont différentes, mathalan de l'or avec de l'argent. Donc l'exemple, c'est un exemple ici qui donne, donc l'exemple c'est Kabe'i sa'in, ou sa'i burrin, bi sa'i burr, ou dirham al-dahab, bi dirham al-dahab, ou sa'bur bi sa'a sha'ir, ou akthar, ou dirham al-dahab bi dirham al-fidda, ou akthar, lakin ta'khir qabd, yani ahadihima min al-majlis, ou al-takhayur. Donc ici, c'est le fait maintenant donc de faire des échanges entre mathan, donc comme on l'a dit ici, donc, ou avec le même, les mêmes éléments, mathan, de l'orge pour de l'orge, du blé pour de lait, mathan, du blé, la même quantité, mais il y a tout simplement en vérité donc un délai. C'est ou bien moi je l'ai pris maintenant et tu me donnes dans une heure, ou je le prends maintenant et tu me donnes dans un mois, mathan. Malgré que c'est la même quantité, c'est le même objet, c'est la même quantité, mais il y a eu quoi comme problème? Il y a eu donc le délai écoulé. Pourtant, c'est l'équivalent. C'est exactement l'équivalent. Mais simplement, il y a eu un espace dans le temps. Donc, le fait de justement donc, de reculer cela. Donc, que ce soit avec la même chose, même pour l'argent, même pour l'or. Hein, ou bien le fait de faire ça avec, même si c'était des éléments, ici, on l'a vu, des éléments différents. Donc, mathan, du blé avec de l'orge. Mathan, du blé contre de l'orge. Mais il y a eu ici quoi? Il y a eu donc justement cet espace-temps. Pourquoi? Parce que ces éléments-là, donc que ce soit le blé, l'orge, l'argent, les dattes, le riz, l'or, font partie des éléments de base qui est échangeable, qui sont en vérité donc connus pour être éléments de base. On n'est pas en train de parler d'autre chose. Même s'il y avait des habits, ça ne serait pas pareil. C'est un échange avec de l'argent et des habits, ça ne serait pas vrai, même s'il y avait un délai qui serait donc écoulé. Parce que l'habit ne fait pas partie de l'élément de base. Et troisième catégorie, c'est riba al-nasiya. Donc lui, bien sûr, c'est le plus connu. Riba al-nasiya. Wa wa bi'a, yani al-bi'a. Il-matroumain, al-naqdain, al-muttafiq al-jins. Wal-mukhtalifay li-ajalin. Wa law lahza. Donc Nasiya, comme on l'a dit, donc, c'est le délai écoulé, le délai accordé écoulé. Le fait donc de vendre donc, de la nourriture, les deux personnes ont de la nourriture, ou ils ont seulement matromène, donc que ce soit les nourritures connues de base, ou que ce soit aussi l'or ou l'argent, Donc on voit que les gens ont ici le même élément. Ils vont s'échanger la même chose. Mais tout simplement, donc que ce soit de la même chose ou que ce ne soit pas la même chose. Donc ici on a ou que ce soit la même chose ou que ce ne soit pas le même produit. Maintenant, or, c'est la même chose. Argent, c'est la même chose. Or, argent, c'est pas la même chose. Argent, or, c'est pas la même chose. Mais simplement, il y a quoi ? Il y a un ajal ici. Il y a un temps écoulé. Et le temps écoulé, donc, même s'il est court, voilà où l'ahva. Même si le temps, donc, est court, il faut que les choses soient faites en vérité en même temps. Même si, donc, c'est l'équivalent, même si on donne la même chose. 5 dirhams contre 5 dirhams. 5 dinars contre 5 dinars. Maintenant, c'est la même chose. Donc, on voit qu'ici, on a le même produit. On a donc l'équivalence. Mais il y a eu quoi ici comme problème ? Le temps. C'est ça le nasir, c'est le temps écoulé. Même si c'est dans le même majlis. Le majlis, maintenant, il a duré une heure. La personne, elle a reçu son argent tout de suite. Maintenant, il envoie quelqu'un chez lui chercher l'argent, ce qu'il doit lui donner en échange. L'autre, il part le chercher, il revient. Il le ramène. Ça peut changer. Il peut avoir donc des fois, une différence. Maintenant, en vérité, dans le prix. Il suffit que maintenant, à l'heure actuelle, il a pris, maintenant, imaginez-vous, un exemple. Il prend de l'autre le produit, il part avec. Et il revient lui donner ce qu'il y a chez lui dans une heure. Ça se peut qu'il va maintenant le vendre tout de suite. Il va le changer. Il va aller à Indasarraf, il va le changer. Ça vaut maintenant 5,30. Dans une heure, ça peut-être baisser déjà. Ça monte vite, ça monte et ça descend vite la bourse. Il va chez lui, quand il passe, ça a déjà baissé. Ça baisse à 5,15. Ça y est. Il est rentré dans le riba. Vous voyez, parce que l'ahza, c'est quoi le temps ? C'est parce que le temps, justement, c'est le fait que ça ne sera pas la même, ça sera pas la même valeur. Il y aura ici des différences de valeur. Falhasel, donc en définitive, ce qu'il y a à savoir, donc, أنه متى استوى إلى وضان جنسا وعلة قبور ببور أو ذهب بالذهب اشتريت ثلاثة شروط. Donc à partir du moment que les deux produits qui vont être échangés sont équivalents donc dans la matière, donc dans l'origine, l'essence même, et aussi donc ils ont en vérité donc c'est-à-dire toutes les caractéristiques sont équivalentes, comme le bourg avec le bourg ou bien alors le zahab avec le zahab, il faudra donc ici trois conditions. Awalan at-tasawi, premièrement donc l'équivalence, mathalan même poids, hein, même unité de volume. وَعِلْمُهُمَا بِهِ يَقِينًا عِنْدَ الْعَقْدِ. On va dire qu'on a bien sûr présenté le produit donc avec certitude au moment du pacte, au moment de l'acte, la transaction. وَالْحُلُولُ وَتَقَابُدُ. Donc le fait en vérité donc de donner la chose, que la chose soit faite, soit terminée. Donc tout a été fait. C'est-à-dire que la transaction est terminée au même moment. Elle se termine donc au même moment. Donc il faut cela. Qabl al-tafarruqi. Donc ici c'est le hulul al-taqabud. Qabl al-tafriq. Avant que les gens se séparent. Une fois que l'affaire est terminée, chacun rentre chez soi. Par exemple. Donc il faut que tout cela soit fait. Donc que ce soit l'équivalence, qu'on connaisse le produit et que cette chose-là soit faite donc au même moment et chacun avant la séparation des deux personnes. ومتى اختلف جنسا اتحادا وعلة كبر بالشعير او ذهب فضه اشتريت شرطا الحلول والتقابض. Par contre, s'il y a ici donc on a vu trois conditions à partir du moment que c'est les mêmes produits. Et s'il y a une différence entre les produits, hein, مثلا, comme le fait d'échanger donc du bourre contre du sha'ir, du blé, de l'orge, et de l'argent contre de l'or, il demande ici donc qu'il y ait requis deux conditions. Il faut ici donc deux conditions. C'est al-hulul wa taqabud. Que ce soit fait donc, comme on l'a dit, donc sur le champ. Taqabud, il faut qu'il y ait donc liyad al-biyad. Wa jaza al-tafadul ici. Ici, c'est permis de donner plus parce que ce n'est pas le même produit. L'or coûte plus cher que de l'argent. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui est permis ? Tandis que l'autre, on a vu qu'il fallait l'istiwa par rapport. Il n'y a pas de tafardoul. Et sinon, c'est permis de tafardoul. Peut-être que l'orge ne coûte pas donc le même prix que mathal, donc que le blé ou autre. Hein? Donc ici en ce moment c'est permis. Parce que ce n'est pas les mêmes produits. L'or coûte plus cher que l'argent. Donc en ce moment-là, on va faire le calcul qu'il faut faire. Mais ce qui compte, c'est que ce soit fait, il y a dans le billet. C'est ça, c'est le même principe pour la monnaie. Lorsque tu échanges, tes euros contre des rials ou là contre des dinars, lorsque tu vas à l'étranger, que tu changes, tu veux changer d'euros, si tu vas à Hajj par exemple, tu vas échanger sur place, et pourtant c'est pas la même somme, tu as donné 100, ils vont te donner 500. C'est un exemple. Donc c'est pas la même somme. Et pourtant, je veux dire, c'est pas le même chiffre, mais pourtant c'est la même somme. Parce que c'est quoi? C'est deux choses qui sont en réalité différentes. La même chose pour le bourg et le thawb. Si tu changes contre les habits aussi, que ce soit du blé, de l'orge ou pas. Si tu veux changer de l'orge ou du blé avec l'habit, en ce moment il n'y aurait aucune condition requise. Pourquoi? Parce que l'habit ne fait pas partie des usul. L'habit ne fait pas partie donc des, comme on l'a dit, des éléments de base. Ne fait pas partie en vérité des objets de base qui entrent dans justement dans ce qui va amener à l'usure. L'habit n'a rien à voir dans ce domaine-là, l'habit. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Là, à ce moment-là, on ne demande pas. Je peux te donner maintenant, autant de kilos de blé ou d'orge, et puis tu peux me donner l'habit. Pourtant, tu ne vas pas me donner la même quantité que d'habit, autant de kamis dans un mois. Ça, ce n'est pas un problème. Non. Parce qu'il n'entre pas, justement, il n'y a aucune de ces conditions qui entre en compte dans cela. Parce qu'il ne fait pas partie des éléments de base avec lesquels, justement, les gens échangent, font ces échanges. Et qu'est-ce que veut dire en vérité al-illa? Lorsqu'on parlait de l'illa, donc c'est imat ta'am. Donc quelle est l'illa en vérité? Donc quelle est la cause? C'est al-ta'am, mathan, bi'an yuqsad shayani li'iqtiyat, ou al-udum, ou al-tafakku, ou al-tadawi. Wa imma naqdiya wa hiya muqtasaratun fi al-dhahabi wa al-fidda, al-madruba wa ghayraha, farariba fi al-fuluz wa inarajat. Donc ici, quand il parle de l'illa, comme quoi qu'il faut, c'est par rapport à ce qu'on avait vu auparavant, par rapport à Nessia, lorsqu'il parlait en vérité d'ici. Donc l'illa, ce qui veut dire en vérité, ce qui matroum, ce qui est donc la nourriture. Kal oudoum, mathan. L'oudoum, en vérité, c'est tout ce qui est marga et l'akhili. C'est ce qu'on rajoute avec l'élément de base. Mathan, comme des légumes avec de la sauce, c'est ça l'oudoum. En général, ce qu'on appelle l'idem, c'est une marga, un djouez, quelque chose comme ça. Et tafakko, donc le fruit. Tadawi aussi, donc ce qui va t'amener à tu vas te soigner avec. Tu prendrais des choses qui pourraient soigner. Et nardia, donc c'est ça à voir avec l'or et l'argent, qui sont bien sûr, donc qu'elles soient façonnées ou pas. L'or ou l'argent qui soit donc déjà façonné, on a fait une bague ou autre, ou pas. Et dans le flouz, donc, comme on l'a dit, donc, s'il n'y a pas de riba, même si on a l'argent. Il n'y a pas de riba, le fait c'est que tu vas donner 100 et qu'on va te donner 500, parce que ce n'est pas la même monnaie. 100 euros, 500 rials par exemple. Hukmuhu, hukmu riba. Donc on a vu ici trois catégories. Riba fadl, riba yed ou riba nasiya. Trois catégories. Donc le fadl, on a vu que c'est le fait de donner plus, même si c'était au même moment. Nasiya, c'est le fait de reculer avec le moment. Hein? Donc le ribayad, il y a à voir en vérité le ribayad aussi, il y a par rapport au fait aussi d'avoir un espace. Donc des fois on voit que ce soit plus ou pas, ou bien que ça dépend des moments, que ce soit, donc, c'est-à-dire que la personne recevrait plus ou pas. Hukmu riba. Donc quel est le statut juridique de l'usure? Kullu hadhihi al-anwa' haramun bil-ijma', bilans al-kitab wa sunnah. Ces trois catégories sont interdites. Donc il y a ici un consensus, il y a unanimité, avec bien sûr à partir des textes du Coran et de la Sunna. Wa kullu ma jaa fi riba min al-wa'id shamilun al-anwa' al-thalath. Et tous les textes qui montrent al-wa'id, la menace, englobent donc ces trois catégories de riba. Riba an-nasiya wa alladhi kana mashhuran fil jahiliya. Riba an-nasiya, Donc c'est lui qui était connu à l'époque, donc fil jahiliya, donc c'est-à-dire l'ère pré-islamique. لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرا قدر معينا ورأس المال باق بحاله. Donc la personne donnait à une autre personne de l'argent avec un temps déterminé et un mois ou bien. Et donc après il lui prenait chaque mois autant. Je te prête de l'argent, مثلاً 100. Tu me rends les 100 quand tu veux. Mais il faut que chaque mois tu me donnes 10, مثلاً, un exemple. Chaque mois je veux de ta part 10. Laisse les 100 chez toi. Tant qu'il y a les 100, tous les mois je prends 10. Et les 100, ils me reviennent. Je dois les récupérer. Mais chaque mois je veux de toi 10, مثلاً, c'est un exemple. Jusqu'à ce que tu puisses rembourser. فَإِذَا حَلَّ طَالِبَهُ بَرَسِ الْمَنِهِ طَالَبَهُ بِمَنِهِ بِرَسِ مَنِهِ. Et lorsqu'on va arrêter le temps est passé, lui redemande aussi donc Ras al-Mal. Alors qu'il a avant ça déjà commencé à prendre de lui, hein, c'est un exemple, 10, 10, 10, 10, et après il récupère pourtant ses 100. Donc ça c'est ce que faisait donc à l'époque donc dans l'ère pré-islamique. Wa in ta'azzar 'alayhi al-ada zada fil haqq. Hein? Wal ajr. Et si la personne ne peut pas payer, donc il augmente. L'intérêt donc prend donc de l'ampleur, c'est encore plus cher. Et aussi, donc, il va repousser le temps, mais je repousse le temps, ok. Mais je ne prendrai pas de toi 10 tous les mois, maintenant je prendrai 15, par exemple. Donc ça c'est, on retrouve donc cela dans Zawajir, yani an Iqtiraf al-Kabir li Ibn Hajar al-Haythami. Donc, et aussi Cheikh Ibn Taymiyyah, donc il dit aussi, rahmallah, المرابة حرام بالكتاب والسنة والإجماع. Donc on voit bien qu'ici qu'il y a un ijma, que ce soit Al-Haythami, Ibn Hajar Al-Haythami qui le dit ça, ou bien Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc il y a consensus pour dire que l'intérêt, l'usure est interdit, que c'est haram. لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه والمحلل والمحلل له. Donc on voit bien ici que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc a maudit. Donc dès qu'il y a le maudit, dès que, comment on sait que quelque chose est un grand péché? Parmi donc ce qui, comment on fait la différence entre un grand et un petit péché, c'est justement là où il y aurait maintenant une malédiction, là où il y aurait donc une menace, là où il y aurait un châtiment, l'akhirah. C'est comme ça qu'on reconnaît par rapport au donc le fait de faire la différence entre le grand et le petit péché. Et s'il y a une malédiction, donc celui qui mange de l'usure, celui qui lui a fait manger, celui qui écrit, les témoins, celui aussi donc qui arrange l'affaire et l'akhiri. Et Ibn Hajar al-Haythami donc il dit Udda riba kabiratan huwa ma atbaqu alayhi yani ittiba'an lima ja'a fil ahadith sahiha من تسميته كبيرة بل هو من أكبر الكبائر وأعظمها. Donc il dit que riba fait partie des grands péchés. Donc après avoir bien sûr donc suivi et vu donc ce qu'il y a, ils ont mis en bonne application et en pratique ce qu'il y a dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parce que il y a des preuves que c'est dans les hadiths, c'est déjà des preuves que c'est une bien sûr donc un grand péché. Et même qui fait partie des plus grands, donc c'est parmi les pires des plus grands péchés. Donc ce n'est pas juste un grand péché, mais il est encore plus grand que certains, que beaucoup de grands péchés. Et donc et bien sûr, on a aussi donc, les plus ignobles. Il y a ici quatre versets qui montrent l'interdiction de riba. Donc يقول تعالى ici déjà on revoit 5 versets à la suite. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc ici cinq versets qui parlent donc de cela dans sourate al-Baqara, donc du verset 275 à 280. Donc ceux qui consomment le riba, donc l'intérêt usuraire, ne se tiendront au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Shaitan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme le riba, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite le riba. Celui donc qui cesse de consommer le riba dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant. Et son cas dépend d'Allah qui le jugera. Mais quiconque récidive en consommant à nouveau le riba après avoir donc su cette loi, parce que des fois il y a des parenthèses donc dans le français, alors les voilà, donc les récidivistes, les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit le riba et fait fructifier les sadaqat. Et Allah n'aime pas du tout les mécréants pécheurs. Certes, ceux qui ont cru, ont fait de bonnes œuvres, accompli la salat et acquitté la zakat, auront leur récompense auprès de leur Seigneur, pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Ô, vous qui croyez, craignez Allah et renoncez aux reliquats du riba, si vous êtes croyant. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous pentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Donc, au débiteur qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais s'il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité, si vous saviez, et craignez le jour où vous serez ramené vers Allah, et chaque âme donc sera, donc j'ai continué d'inverser à Kulhel, sera donc pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Donc là, il y a une version en plus en français. Donc vous voyez bien ici comment donc, Allah Azzal, donc, le déclare. Donc ici la guerre, et comment donc il mentionne en réalité donc, donc l'énormité de ce péché. Et pourtant ici on voit un verset qui est au milieu, donc qui, ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, on va dire quel est l'intérêt, quel est le lien entre ce verset et les autres, ça fait le montrer en vérité les gens qui ne font pas les bas, regardez comment ils sont. Ceux qui ne font pas les bas, c'est justement eux qui sont donc justement assidus à la prière, ils croient, ils sont assidus, ils font la zakat, eux plutôt ils purifient donc leur argent au lieu que de faire riba, et eux donc la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, contrairement aux autres. Les autres ils ont le hazan et ils ont le khawf. Eux ils n'ont pas ni le khawf ni le hazan, ni donc le khawf c'est quoi, c'est de ce qui va advenir, et le hazan c'est de ce qui est passé. Ils sont attristés parce qu'ils ont mal vécu auparavant et ils ont peur de ce qui va advenir. Et c'est pour ça que l'ulama a dit que si ces deux ressentiments sont donc dans le corps de chacun d'entre nous, de quelqu'un d'entre nous, donc il ne pourrait pas vivre normalement. Il serait fait qalaq, avoir le huzn, la tristesse, plus en plus la peur, donc tu ne pourrais pas en vérité être stable. Tu n'auras aucune stabilité. Donc ça c'est pour le premier verset. Et après aussi, donc il dit Ta'ala, Ya yuhalladine amanu, la takuru riba, ada'afa muda'afa, wa taqullah la'allakum tufrihun. Donc dans Al Imran, verset 130 à 132. Oh, donc ceux qui ont cru, ne mangez pas l'usure donc en décuplant donc énormément. Adrafan muda'afa. Et là on voit justement donc un appui ici. Adrafan muda'afa. Et craignez Allah en espérant que vous recevrez donc la réussite. Et craignez le feu qui a déjà été préparé pour le kuffar, pour le kafir et les mécréants. Et obéissez à Allah et à son envoyé, espérant recevoir la miséricorde d'Allah, la miséricorde. Donc Al Imran du verset 130 au verset 132. Encore un autre verset donc, qui montre ici l'interdiction. Et Allah nous demande justement donc de craindre pour avoir la réussite. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, فَبِذُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَنُّهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَعْتَنَّ لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Surat donc An-Nisa, verset 160 à 161. Donc c'est à cause des iniquités des juifs. Ah non, c'était par rapport à ça, c'est 160. Non, donc c'est parce qu'ici il y a le mot juif, mais là il ne l'a pas. Donc des iniquités des juifs, hein, que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures, qui leur étaient illicites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent la voie d'Allah, à eux-mêmes et à beaucoup de monde. Et à cause de ce qu'ils prennent de le riba, et ils étaient qui leur étaient pourtant interdits. Et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens, à ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. Donc ça c'est le troisième verset. Il y a encore donc un dernier verset dans Sourate Rum. Yaqulu ta'ala awalam yaraw anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yu'minun. Fa'ati dhal qurba haqqahu والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Donc sur le Rum, verset 37 à 39. Donc n'ont-ils pas vu qu'Allah dispense ses dons où il les restreint donc à qui il veut. Il y a en cela des preuves pour les gens qui croient. Donne donc aux proches, parents, sont dus, ainsi qu'aux miskines, le pauvre, et aux voyageurs en détresse. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent la face d'Allah. Et ce sont eux qui réussissent. Tout ce que vous donnerez à usure, pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah. Mais que ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la face d'Allah, ceux-là verront donc leur récompense multipliée, donc, ou bien décuplée. Donc ici on a vu quatre versets par rapport à ça. Maintenant on verra donc des hadiths, des versets des récits prophétiques. Il y a al-warida fi dhamr riba. Donc les versets qui montrent ici donc qui vont réprimander ici donc riba. Donc un hadith rapporté par Abu Sa'id radhiyallahu anhu قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا قالوا فقال رجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بساع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا رواه مسلم. Donc Abu Sa'id radhiyallahu anhu donc dit: On a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam des dates. Il a dit: qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que ces dates par rapport à nos dates? Parce qu'il a remarqué donc que ce n'était pas leur date. Et il a dit, donc l'homme a dit: ô envoyé d'Allah, nous avons vendu nos dates, donc deux sars de dates, contre un sar de ces dates-là, qui sont sûrement meilleures. Un sar de ces dates-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc: voici donc le riba. Cela est de l'usure. Rendez-le. Et vendez nos dates, puis achetez de ces dates-là. Vous voyez, la solution, c'est de vendre d'abord les deux sars, prendre l'argent et après l'acheter. À ce moment-là, c'est permis. Mais pas faire l'échange direct. C'est un hadith rapporté par l'imam muslim. Il y a un autre hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا سبع الموبقات. يعني المهلكات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل المال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وكث المحصنات الغافلات المؤمنات رواه البخاري ومسلم. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Évitez les sept périls. » C'est ce que ça veut dire en réalité. C'est-à-dire que normalement, c'est ce que tu mérites d'entrer en enfer en faisant donc ce genre de choses. Qal shirk billah, donc de donner à Allah un associé. As-sihr wa as-sihr, la sorcellerie. Wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq, le fait de tuer l'âme alors qu'Allah a interdit sauf de bon droit, al-qisas mathalan, donc le bon droit. Wa aklu mal al-yatim, de manger donc l'argent de l'orphelin. Dans quel sens? Il est possible que c'est toi le tuteur de l'orphelin et son père lui a laissé de l'argent, donc tu dois en vérité donc protéger cet argent, le fait que tu en es responsable jusqu'à ce que l'orphelin soit pubère. Et si tu étais réellement pauvre, tu as le droit de prendre cet argent que ce que, c'est-à-dire juste en vérité le strict minimum de quoi pouvoir survivre. Sinon, tu n'as pas à toucher l'argent de l'orphelin. Wa aklu riba, donc voici le sujet. Donc le fait de donc manger et de consommer de l'usure. Wa tawalli yawm az-zuhf, le fait de se sauver, de se détourner, de se sauver au moment où tu fais face à l'ennemi. Au moment où tu te retrouves face à l'ennemi, tu quittes le combat. Ou aussi le fait de donc d'accuser donc la femme qui se protège et qui est en plus insouciante et qui est croyante. Et tu l'accuses de zina, la vérité qu'elle n'a pas fait zina, c'est une croyante. Ces choses-là donc font partie des grands péchés. Donc des plus grands péchés. Et un autre hadith, un Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال بين يدي ساعة يظهر ربا والزنا والخمر. ذكره المنذري في الترغيب وقال رواة الطبراني ورواته رواة الصحيح. Donc Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc entre mes mains l'heure, donc avant que leur blessure survienne, donc qu'est-ce qu'il y aura? Donc on verra ouvertement donc l'intérêt, la fornication et l'alcool. Ces trois choses-là donc seront donc répandues en vérité donc dans la communauté. Et c'est un hadith qui est donc authentique, rapporté par Al-Mundhiri dans Targhib, et c'est parmi donc les rapporteurs sont des rapporteurs de l'imam Tabarani rahmallah. Un autre hadith, an Abdullah ibn Hanzar, il est Ghassil al-Malaïka. On l'appelle Ghassil al-Malaïka par rapport à la djihad, parce qu'il s'était lavé qu'une partie du corps, il a fait la djihad, et il se touche Hida, donc il est mort martyr. Donc le Malaïka, on lavait l'autre partie du corps. On continue à laver son corps. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Ghassil al-Malaïka. Radiallahu anhuma, le fait que c'est le fils de Hanzara, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dirhamu riban, yakuluhu rajulu, wa huwa ya'lamu. Achaddu min sittatin wa thalatina zina. Donc ici le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit donc un dirham de riba, donc le moins, on va dire donc le plus petit intérêt hein, qui est donc mangé par l'homme alors qu'il le sait, lui le sait, c'est pire que s'il avait donc commis 36 fois l'adultère. C'est plus grave que s'il avait commis 36 fois l'adultère. Rawah Mundhi fi Targhib wa qala ruwat Ahmad wa Tabarani fi Kibir wa rijal Ahmad rijal sahih wa qala al-Hafiz. Donc il y a encore, donc je me suis arrêté ici, mais il y a encore d'autres par rapport au hadith, mais il est authentique le hadith. Il est rapporté par l'imam Ahmad et Tabarani, et les hommes de l'imam Ahmad dans la chaîne de transmission donc ce sont donc des gens sûrs. Wa an Abi Huraira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا رواه مسلم. Donc Abu Huraira rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit de l'or contre de l'or. Donc avec le même poids et donc la même chose donc, par rapport au poids, donc avec son équivalent, l'or s'échange avec de l'or par son équivalent, de la même chose avec l'argent s'échange avec l'argent donc par le même poids et l'équivalent, et celui qui rajoute ou qui demande un rajout c'est donc de l'usure. Celui qui rajoute ou qui demande de rajoute, c'est donc de l'usure, le hadith rapporté par l'imam Muslim. Un autre hadith, « Wa an Abdillah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, qal, riba bid'un wa sib'un baban, wa shirku mithlu thalik, rawahu al-Munziri fi targhib, wa ibn Majah wa huwa sahih. » Et Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc le riba, donc a plus de 70 portes. Lorsqu'on dit bid'un, c'est entre 3 et 9. Dans la langue arabe. Donc entre 73 et 79 portes. Et le shirk, c'est la même chose. L'associationnisme, donc, c'est la même chose. Et c'est rapporté par Ibn Majah, il est authentique. Il est rapporté aussi par le Munziri fi targhib. Et un dernier hadith. Il y a beaucoup plus de hadiths que ça. Donc je me suis contenté de cela. Wa an Ibn Mas'ud radiallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة رواه المنذري في الترغيب وقال رواة ابن ماجه والحاكم قال الصحيح الإسناد. Donc chaque personne qui multiplie l'intérêt, donc la fin de son cas, hein, donc va arriver à une fin qui sera en vérité une diminution. Sa fin ne sera que diminution. Et à Kulhal, on l'a bien vu. On l'a bien vu donc actuellement donc, comment que l'intérêt en vérité a fait couler, hein, a fait du mal à des grandes nations. L'intérêt a fait du mal à ceux qui étaient donc les plus riches. Et c'est rapporté par Ibn Majah et le Hakim, et il a une chaîne de transmission qui est authentique. Ici, on va voir donc ici des Aqwal, Aqwal al-Ulama ou al-Mufassirin, al-Warida fi al-Dhamr al-Riba. Là aussi, il y a beaucoup de paroles. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. Donc ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما. Donc ابن عباس le grand مفسر du Coran dit أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. C'est dans Tafsir Ibn Kathir. Donc lorsqu'il dit donc annoncer donc la guerre contre Allah et son envoyé, donc le Tafsir c'est استيقنوا. Donc soyez sûrs, istayqanu, soyez donc réellement sûrs de vous retrouver en guerre contre Allah et son envoyé. Et il dit encore, toujours par rapport à cela, toujours Ibn Abbas, donc, wa qala aydan, akilu riba, yub'athu yawm al-qiyamati majnunan, yukhnaqu, wa qala aydan, yuqalu yawm al-qiyamati riba, khudh silahaka lil harb. Donc Ibn Abbas a encore deux autres paroles. Donc, il dit, celui qui mange de l'usure, donc celui qui commet l'usure, va être ressuscité, va être envoyé le jour dernier, donc yubhath. Il sera donc ressuscité le jour dernier, mejnoun, donc fou, étranglé, yukhnaq, donc c'est comme étranglé. Et il dit aussi, on dira au jour dernier, donc pour celui qui commet l'usure, prends tes armes pour te battre pour la guerre. Prends tes armes pour la guerre. Donc prends tes armes maintenant que tu as décidé de faire la guerre contre Allah et son prophète. Donc bats-toi maintenant. Prends tes armes pour la guerre. On lui dira ça, il y en a clairement. Voilà ce que dit Ibn Abbas. Et tout cela, il n'y a rien qui rentre en contradiction avec la. Donc dans le tefsir, la règle c'est que s'il y a plusieurs tefsirs pour un seul verset et qu'aucun tefsir ne vient en contradiction avec l'autre, tous sont acceptés. Ça c'est là. Donc tous, l'un n'empêche pas l'autre, tout simplement. L'un n'empêche pas l'autre. Rawa Ahmed bi isnad jayyid an Ka'b al-Ahbar qal la an azni 33 zina ahabbu ilayya min an akula dirham riba. Donc Ka'b al-Ahbar dit donc que je commette l'adultère 33 fois et préféré auprès de moi que le fait de manger un seul donc dirham d'usure, le fait de commettre donc l'usure ne serait-ce que d'un seul dirham. Ya'lamullah anni yani akaltuhu hina akaltu riban. Alors qu'Allah sait que justement j'ai fait ça, donc dans le sens que je sais que ce que je suis en train de faire ça, je sais que je fais du riba et en vérité c'est grave et que je fais ça au moment où je l'ai fait, quoi. Donc Allah al-Mundhir fi at-Targhib. Et après Shire Saint-Timayak, donc il y a plusieurs pages, donc dans le tome 29, de la page 433 à la 437. Et lui, il vient expliquer, donc c'est compliqué bien sûr, pour ceux en 20e niveau, ils peuvent le lire. Donc il vient expliquer, on va dire, les catégories de riba et ce qu'il y a. Et Ibn Qayyim rahimahullah, donc dans El Fawaid, il a juste un morceau de poésie, lorsqu'il dit « Iza zahra yani zina wa riba », donc il dit « Fi qaryatin uzina biha lakiha » Si zina, la fornication, le riba, l'usure sont apparents dans un endroit, un qarya, donc ça peut être un village, un pays, une ville, automatiquement, donc on lui annonce en vérité donc sa perte sera annoncée. S'il y a ça chez un peuple, donc sa perte en réalité elle est annoncée. Et là on va voir donc les autres, maintenant on verra donc, mais sur les aqwal des salaf, il y en a encore plus. Il y a plus de aqwal de salaf que de versets de hadith par rapport à ça. Il y en a énormément. Mais je me suis donc restreint à cela. Maintenant on va voir donc madar, hein, donc les méfaits du riba, ces méfaits. Awalan, donc premièrement bien sûr, parce que quand on parle des méfaits sur la communauté, d'abord c'est les méfaits sur celui d'abord qui consomme cela, celui qui va donc user du riba. Akl riba matrudun min rahmatillah ta'ala muharibun min Allah wa rahmah, hein, donc il est muharab yani min Allah wa rasouli. Donc lui il est quoi? Celui qui commet de l'usure, donc il sera repoussé, il sera rejeté de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et il va se retrouver aussi donc en guerre contre Allah Azza wa Jal. Donc il va se retrouver en vérité en guerre. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, l'âme yata'al. L'âme yata'addad Allah Azza wa Jal wa tawa'ad murtakiba kabiratin ka murtakibi jarimatin riba. Jamais Allah Azza wa Jal a montré donc une menace aussi forte qu'il a montré pour celui qui commet donc ce péché-là, le péché du riba. La menace du péché du riba, elle est plus forte que toutes les menaces qu'on a vues par rapport aux autres péchés. Donc, on a des menaces sur les autres péchés, mais elles ne sont pas aussi fortes que celui-ci. Tous les grands péchés, leurs menaces ne sont pas aussi fortes que ce péché-là. Troisièmement, riba yani jarimatun ijtima'iyatun ida tafashat fi mujtama' min mujtama'at yani damaratuhu wa fawwadat bunyanuhu. Donc ici, si réellement donc riba c'est un grand péché, c'est un péché en vérité qui est de communautaire, dans le sens que c'est populaire, tout le monde, beaucoup de gens entrent dans ce cas-là. S'il est répandu dans une communauté, donc en vérité cette communauté elle va être détruite, hein, et en vérité donc bien sûr cette communauté va se retrouver donc détruite. Et on le voit bien, on a bien vu lorsque Mathan, les gens ont commencé à, lorsqu'il y a eu la crise. Maintenant, aux États-Unis, les maisons, elles ne valaient rien après. Il fallait sortir, les gens étaient obligés de sortir de chez eux pour qu'ils puissent revendre les maisons. Ceux qui ont racheté les maisons, ils les rachetaient pour rien, parce qu'ils profitent de la misère des autres. Il a crédit. Et là, on va voir justement, parce que normalement, ce n'est pas demandé, justement. Ce n'est pas demandé, en vérité, de profiter de la misère des autres, en islam. Mais c'est pour pas qu'on. Même si ce n'est pas de l'usure, même si c'était un commerce qui est apparemment halal, mais ce n'est pas demandé d'aller profiter, et spécialement si c'est un musulman qui serait donc dans une grande détresse, dans une grande misère, alors il va tout vendre pas cher, parce qu'il a besoin de. Imaginez, il est fortement endetté, et les gens vont profiter de lui acheter tout pas cher, il l'aide pas, il profite en vérité de sa misère, et ça, ce n'est pas demandé. Parce que c'est, en vérité, c'est, même si ce n'est pas de l'usure, c'est le même principe que l'usure, dans le sens où. Pourquoi la personne fait de l'usure? Parce que l'autre, il est endetté, il a besoin d'argent, il lui dit je te donne, mais tu me rendras plus. Il profite de sa misère pour s'enrichir. Donc ce principe-là, à l'origine, il n'est pas bien. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter. Maintenant, si quelqu'un, comme on dit, donc nous, dans notre jargon, en galère, on ne l'enfonce pas. On ne doit pas l'enfoncer afin de ne pas, justement, parce que pourquoi, comment elle va venir? La personne, elle va te donner avec, maintenant, de pas de bon cœur, comme on dit, ça, de mauvais cœur. Elle va le donner, elle n'a pas le choix. Elle va tout vendre vraiment à bas prix, et même ce prix-là, c'est rien, peut-être par rapport à la dette qu'il doit. C'est pour donner au moins un minimum, et toi, tu as bien profité, et lui, il est toujours en galère, et en réalité, ça, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le comportement, en réalité, du musulman, de l'islam. Donc, bien sûr, Aklu riba, wa mukiluhu, wa katibuhu, wa shahiduhu, wa kuluman, yu'inu, fi rawaj hadihi al-jarima, al-nukra, athimun indallahi, mub'idun marahmatihi. Donc bien sûr, donc celui qui le mange, celui qui, qui fait manger, donc celui qui l'a écrit, ceux qui sont témoins, tous ceux qui vont aider à l'usure, en vérité, donc à ce grand péché, donc en vérité, seront, ils ont, bien sûr, donc ils sont dans le péché, premièrement, et ils sont aussi donc éloignés de la miséricorde d'Allah. Fariba yani yazra l'ahqad. Et là qu'on voit, là justement on arrive au sujet. Yazra l'ahqad fil quloub. وينزعوا منها رأفة والرحمة وبذلك تموت الأخوة وتتفكك يعني بنيات المجتمع. Donc ici là on voit, donc on va faire riba, il va faire quoi? Il va faire naître donc l'hiqd, toute cette hantise, hein, dans les cœurs, et en vérité il va enlever aussi quoi? La miséricorde de la part des gens. Les gens qui font ça ne sont pas miséricordieux. C'est pour ça que l'ukhuwa, la confrérie, le fait que les gens soient frères les uns envers les autres, ça meurt. Ça ne fait pas partie des principes justement de l'ukhuwa, d'être comme ça, de profiter maintenant de la misère des gens. Et après, mujtama, il devient en vérité donc séparé. Chacun pense qu'à soi-même. Ça, c'est parmi donc, les méfaits du riba. Sixièmement, donc, c'est celui qui fait du riba, c'est un délit à la khubthihi aussi. Celui qui commet de l'usure, c'est un délit que ce n'est pas une bonne personne. Parce que la bonne personne ne commet pas d'usure. La bonne personne ne commet pas donc de l'usure. Parce que les versets montrent, les versets sont quand même, les versets, les hadiths, ils sont durs par rapport à cela. Et aussi, celui qui le fait, donc c'est aussi un délai à la sou'i khatimati. Et aussi donc celui qui, elle a dit amal bidhalika, celui qui aime bien rentrer dans ça, parce que maintenant les gens appellent ça le fawa'id, les bénéfices. Tout simplement, ils se sont arrêtés à un seul mot, les bénéfices. Ils utilisent un fi faïda, c'est un bénéfice, ils ne s'arrêtent à ça. Ils utilisent ce mot-là pour hein, justement pas donner le mot riba. Parce qu'ils savent que c'est haram, donc ils vont dire le faïda. Donc celui qui commet donc cet acte, en vérité, c'est une preuve aussi de sa mauvaise fin, s'il ne fait pas tawba. C'est une preuve d'une mauvaise fin de la personne, sous khatimati, celui qui termine, donc celui qui continue comme ça. Donc on a terminé hein, pour. Ce cours sur riba de façon donc générale, c'est juste pour avoir été donc l'idée comme ça donc générale. Barakallahu fikum, subhanak allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.